Oui, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, Victorine Levaux. Vous allez bien, madame? Merci, hein. Voilà. Et nous revoici encore. Toujours pour les Congos, hein? Pas autre chose. Bon. Merci pour Nako Zalawana, merci pour la confiance, merci pour tout. Et merci pour la crédibilité, parce que crédibilité en réalité, crédibilité, ma mérite à Gango. Et excusez-moi. Et voilà. Non, je suis en train de... Crédibilité en réalité. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai arrangé mon téléphone pour voir comment est-ce que le millivore saute. Dernier baso sauté. Voilà. Merci. Tout ce téléphone, awa. Pour tout à l'heure, message, j'avais mis le voir, dernier baso sauté. OK. Nous voici aujourd'hui, encore une fois de plus. Tolobela Congo Nabiso. Aujourd'hui, Tokolobela sur Bassigno politique. Toloba Bassigno diplomatique Oyo Elakisaka Bokasite ya pouvoir. Et puis Tokolobela fête ya FCC. Tokolobela fête ya FCC. Tokolobela fête ya Oyo Bozobenga première dame. Mais en réalité, elle n'est pas la première dame. Parce que soit Azali la première dame, il y a Yo Azakantiem. Alors, première dame, il faut mériter cause de la première dame. Et Tokolobela Isusu, un vrai faux coup d'État, Oyo Félix Azali Kobongisa. Et na point wana ya vrai faux coup d'État, Tokolobela Makambo ya fin ya consultation en réalité, il fallait, Tomona déjà, Toyoka déjà, parce qu'on nous a dit, sauf imprévu, Félix devrait parler hier. Sauf imprévu. Alors, imprévu wana ya outi wapi, parce qu'à l'obité. Voilà. Yaliboso, ndenge na lobi yango, tokolobela makambo ya basigne na diplomatie, nyonso te, quelques signes, oyo elakisaka ke mboka wana, bokonzi wana, ezali réellement na pouvoir, parce que comme vous le savez, que diplomatie ezali rapport entre pays na bino, na ba pays mususu. Comment est-ce que yo zo considéré ba pays mususu? Comment est-ce que ba pays mususu ba zo considéré yo? Est-ce que bazali kopé sa yo respect ou bien bazali kopé sa yo respecté? Le respect en diplomatie est yaka par rapport y a rapport de force. Rapport de force est yaka na ndenge ozali ko concevoir régime na yo par rapport ya ba régime mususu ya ba pays mususu. Rapport de force ya kana ba nzela ebele. Ah oui, il y a un ami qui me dit prof kata sonnerie parce que ça dérange mon ami sonnerie nangai awa désolé ko kata, excusez-moi. Merci beaucoup hein. Natala na téléphone oyo. Voilà. Voilà, merci beaucoup mon cher ami. Na kati sonnerie mais j'ai beaucoup de sonnerie moi hein, autour de moi. Voilà, donc je disais que rapport de force eyaka na ndenge bobongisi mboka na bino ndenge ezali kokendele du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue militaire, du point de vue éducation, du point de vue donc ba secteur wana nyonso et pesa e contribuaka na rapport de force d'un pays. Alors rapport de force wana au niveau national, ce qui bozali makasi. Ba payape, ba mboka ba payape, bazali ko modifier relation na bango na yo. Boyebi ke na diplomatie, amitié ezalaka te. Na diplomatie, ba intérêt moutu ezalaka. Ngai na yo soki tozali ko coopérer soki nazali na intérêt moko te epai na yo soki nazali na intérêt moko te epai na yo eza important te na coopérer na yo eza important te na bebisa mbongo par exemple ko tia ambassade na mboka na yo ko fungula ambassade na mboka na yo parce que na ko gagner rien. Mais na côté intelligence, même si on ne gagne rien du point de vue économique, bien makamusus, politique, la géopolitique est contribuée à capé pour peut-être batuba fongo l'ambassade nambo kanabino. Bon, on a pas ezali intérêt parce que la sécurité yambo kanyo, luka sécurité na yo, même à 10 000 kilomètres, vous allez voir les États-Unis bazali musika. Mais bazo ke ndeko luka sécurité na bango na Rwanda na pardon na Afghanistan na Irak na Iran na Corée du Nord na Afrique mais baza musika il y a des gens qui se demandent mais bango baza musika pourquoi ba yaka musika ko luka ba guerre non sécurité ba kenda ko luka ngo c'est-à-dire que mboka il faut ezala sécuriser alors nani ko sécuriser mboka. Na mutu ya mutu ko sécurisé mboka tozali na président de la République. Na gouvernement na ye. Je parlais donc ya rapport de force. Rapport de force ndenge toujours la kayango tozwa par exemple na niveau ya batu. Oyo to bengi ressources humaines. Na mboka wana batu soki batangi ebele. Namboka wana soki ba recherche ezali ebele. Namboka wana soki bazali kokoma ebele. Namboka wana soki ba innovation scientifique ezali ebele. Namboka wana soki misala ya maboko ezali ebele. Bilanga ebele. Bazo lona ebele. Bazo buka ebele. Bazo rekolte ebele. Bako konsome yango. Na niveau national. Excedan nango. Tellement beaucoup qu'on consomme en haut au niveau national, excédant en haut beaucoup exporté, boteki libanda. Alors côté cannabino libanda, ça crée un rapport de force. Na sens ni na pesa bino exemple. To considérer le cas la Afrique centrale. Balobi bon, Congo ezali mboka o ezo produire masango ebele. C'est un exemple que je donne. Ba Congolais ba le masango o ba koyi kolia ebele etikali ifu bateka yango libanda. Libanda na Afrique centrale par exemple Rwanda. Bazana mabele mingi te ya kolona masango, bazana bezwe ya masango. Esika nini ba koyi kosomba masango kozwa masango ezali na Congo. Ça crée rapport de force Parce que masango o bazali kolia ezo wuta na Congo ezo bango kolia masango ezo dépendre na Congo. Alors bakoki ko kende ngulu ngulu te par rapport na Congo parce que soki ba meki ko kende ngulu ngulu par rapport à Congo, Congo ko bloqué masango e kende sous ce pas na bango te nzale kokota. Vous allez remarquer que Rwanda siko bako respecter Congo na point wana. Tokene du point de vue militaire. Na, par exemple, na Congo, na zo soka exemple Afrique centrale. Congo, toloba, ndenge tozali koloba, tozali 100 millions d'habitants. Ce qui, par exemple, Congo, bazali na 15 millions, yaba militaire. Bazo forme bango malamu. Bazo futa bango malamu. Bazo lesa bango malamu. Bazo loger bango malamu. Bazo tambula malamu. Ba sokoto ya malamu, ba teni ya malamu, ba imperméable ezali, biloko kolia ezali. Boko yoka militaire na tango azo tambula, tango azo marche yoko yoka na kowa pona ekolo. Militaire na tango azo loba na kowa pona ekolo, li bumweza plein ale. Asali fizik na tongo na pokwa. Makanisi na ye, zana famii na ye atiki na mboka. Ayebi ke famille na ye l'état apesi enda kwa kolala. Ayebi ke famille na ye l'état afouti ye salaire chaque mois. Pardon, l'obito za ki le 30. Basi ba famille ba soda ba zwi mbongo na bango. Ayebi ke bana na ye bazo kende classe malamu. Ayebi ke bana soki ba sali fièvre, madame aza capable a rapidité a zwata wewa a memaye na hôpital. Mwana kozwa traitement malamu. Militaire na tango ko yemba na tango azo tambula, okoyoka na ko wapo na ekolo. E na tango alobi na ko wapo na ekolo, batu oyo bazali population ya muke, bazo sokipe malamu tena ba militaire na bango, bazo mona rendement ya ba militaire na bino, moindre mouvement ya mabe ba militaire bazali présent à la seconde basilisi yango. Rapport de force. Bamboka mususu ya bapaya, bako banga bino. Keba, batuana, bazali 15 millions, ba militaire na bango. Bazali bien formé, bazali kolia malamu, ba famille na bango bazali malamu. Soki bo sali erreur, comme je considère l'Afrique centrale. Bamboka otoza na bango na Afrique centrale, tolo ba Rwanda, ou Burundi, Uganda, bo keba. Soki bo sali, bo kosoli na batu oyo, avec les 15 millions ya ba militaire na bango ba ko kote la biso à la seconde ba ko yiko changer régime na biso rapport de force du point de vue ba élite ya mboka du point de vue batu oyo na ressources humaines toujours na zoloba batu oyo bazo sala exploit na mboka. Topes exemple, ba Congolais oyo ya libanda. Na sport, na kotanga, na classe du point de vue académique, recherche, commerce, makambo nyonso, pays ba fungulaka, ba agence ya représentation ya batuana. La diaspora est catégorisée. Diaspora commerciale, batu ya business. Diaspora scientifique, diaspora sportive, diaspora culturelle, diaspora économique, diaspora médicale, diaspora. Na kati ya mboka, le gouvernement, na ministère ya coopération, ou bien na ministère ya affaires étrangères, ba représentation na ba bureau ezali. Keba, toloba, par exemple, na kote ya sport. Tolingi mboka na biso ye mata, na sport. Toko sala ndenge nini. Toko motive, bana na biso, oyo bazali li banda, basali exploit na sport. Muto mbodi kembe. Yaka kope sa biso conseil. Yo na basketball, ozo beta na États-Unis. Komeske o reishir na nivo wana. Ba Ameriken basala kandenge nini na sport oyo. Ba centre yango to fungoli, conseil pona bana na biso. entraîneur ya basketball baza toujours à liaison na bino mutombo di kembaza ye mokote baza liebele na basketball ba congolais bozali à liaison na ba centre wana na football Lukaku ba makelele bozali na extension na Kinshasa en contact na ba entraîneur na ba centre wana du point de vue scientifique le professeur ah professeur watangi saka na mboka nini spécialité na ye zali nini tozali na besoin na ye ba professeur ebele congolais o bazali banda baza na besoin te ba longwa batika misala na bango ba ya na Congo mais ba koyi ko coopérer na biso ba université na mboka yo zali spécialité na bango ezali nini nini ezo matisa économie ya mboka na bango alors chaque professeur to lié ye to catégoriser na ba groupe to lié bango na ba université na ba département par rapport à ba département na bango na bisika batangisaka aidez-nous na mboka na bino place otangisaka ça se passe comment est-ce que na mboka na bino corruption ezalaka te comment est-ce que vous vivez juste na salaire na bino bazo respecter bino rapport de force bokomona ke na kati ya ba université na mboka na bino na classement ya ba université na monde mboka na bino peut-être université moko bemi balé et kozala na liste o ya biso Congo banda ezali Congo Congo ezala nano inscrit na liste parmi les top 200 universités ya monde te pourquoi futu na ba question pourquoi parce que le gouvernement a chaka penza budget ya solo pona éducation na biso les recherches za mbongo kotanga ezali mbongo livre ezo coûter cher na côté culturel tozo point moko ya culture na biso musique na biso comment explique comment to valoriser musique na biso toti kama kambo la kisaka ba kaleson ya basi na biso mitakala ya basi na biso ya bana na biso ndenge nini culture na biso na kote ya musique ko yiko zala malamo il faut qu'on rééduquer ko pesa éducation civique na ba musicien na biso Je vous dis par exemple, na côté culture na mboka Corée, nzembo ya Gangnam Style, kaka nzembo wana ya Gangnam Style. Kaka nzembo wana ya Gangnam Style. Soko talipi nzembo wa Gangnam Style, na kati kuna iloko moko ayembi na kati ezati. Nzembo wana itambulaki mondo mobimba. Ministère ya culture ya Corée asali nini? Alandeli nzembo wana d'abord un. Ache yango droit d'auteur. Deux, a instruire ambassade na bango nyonso promotion ya nzembo wana. Erwana so ke na ambassade, n'importe quelle ambassade ya Corée, so ki fait ezali, musique ali boso oyoka Gangnam style. Bon mona ki memba Ban Ki-moon, secrétaire général ya ONU à cette époque. Il a fait la promotion ya Gangnam Style. Nakati ya Gangnam Style wana balakisi kaleson ya mwasite. Nakati ya Gangnam Style wana balakisi nudité ya mwasite. Est-ce que Gangnam Style etambola kite? Batu bayemba kite? Nana ningisa ki likolote même liboko na Gangnam Style. Non musicien bazo kanisa ke, banzembo na bango po etambola, batu po babi na banzembo na bango, il faut ba mona sexe ya mwasi. Il faut ba mona ba sein ya mwasi. Wana nde nzembo na ye ko tambola. Alors, oh gosh. Excusez-moi. Les allers appel hein, à téléphone, désolé. Donc ce qui nzembo na yo olakisi nzoto ya mwasi te. Olakisi sexe ya mwasi te. Eko tambola te? Ba Koreyen bazali proud na nzembo na bango ya Gangnam Style. Me na kati ya nzembo ya Gangnam Style, injure ezate? Il faut pas ko finga na kati ya nzembo pour que nzembo na yo etambola. Donc, non musicien, il faut baleka na formation, éducation civique. J'ai envie des fois place na vandi na sa la promotion ya ba nzembo ya ba musicien na biso. Mais na tango ba étudia ba zo tuna yo prof e linko lo ba nini phrase wana. Mama pesa sima, papa beta tonga. Croyez-vous que na koyi ko sa la promotion ya nzembo boy? Ba petit a sans calbar. Croyez-vous que na ko sa la promotion ya ba nzembo boy? Donc, je disais que bah, à tout wana nyonso epesa ka rapport de force pour ba respecter yo. Mboka ya Corée, par exemple, bazali na nini? Corée bazali na mabanga, bazali na mayo océan, ezinga bango, bazana katikati, bazali na batu. Na tango ba monike, mabanga, oui, eza de bango kotonga banzela bandako, ciment. Mais, mai ya mungu ya océan bako teka yango te. Alors, espoir ya ba Koreyen yonso ezalaki na ressources humaines, batu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'éducation. Ko valoriser. Koreyen ba landa ki Koreyen yonso ata azali wapi. Parce qu'à cette époque, ya pasi ba Koreyen ba kende ki partout. Na Arabie Saoudite, ko sala misala, ndenge biso ba Kongo tozo ke sala misala ba Ijin, na diaspora. Ba Koreyen pe bazalaki ndengo na Allemagne, États-Unis, partout. Bisika nyo so ba Kongole ba Koreyen bazalaki, il faut otinda expertise ne place ozali, ozali lokola agent ya renseignement. Esika osalaka na izini osalaka, musala nini basalaka, eloko nini basalaka, basalaka yango ndenge nini. Gouvernement ache budget na biro ya batwana. Ekipe mobimbe ezali bazali ko etidie biloko wana. Ba Koreyen na ba Chinois, même stratégie basalaki. Moutu lokola Samsung ndenge na yebisa bino Samsung azalaki na Japon. Samsung abanaki kosala na Japon ndenge biso tozo sala na ba usine na bamboka bapaya. Mais si kazalaki mayele muke muke muke muke muke ayeko zonga na mboka gouvernement tche epwa. Mais epa na biso environnement nini gouvernement ko tche yo poa. Ofuta tax na yo tax esuki na salaire ya président 2,070,000. Ofuta tax na yo taxe suki na ancien président, $680,000. O futa taxe na yo, la première dame a utilisé taxe na yo a keko lia na ba restaurant ya cher na Dubai. O futa taxe na yo, ba Ramazani ba fête ya mubulu. Courage nini ya Congolais ko zala keno, mwa izin nangai, mwa lopata nangai na bombi na diaspora, tika na kende nango na mboka, na fungula izin. O fungula izin, ifo futa tax. O futa tax wana, tax wana ezo kende na redistribution ya batu bazana bezwe nangote, tax wana ezo kende na salaire ya président, ezo kende na salaire ya ancien président. Lobby ezala ki le 30. Félix na compte na ye 2,070,000 ekoti. Kabila 680,000 ekoti. Tambwe Mwamba 100,000 ekoti. Mabunda 100,000 ekoti. Ba conseiller ya Félix ba 24,000 ekoti. Ba 17,000 ekoti. Ba 7,000 ekoti. Combien ekoti pona militaire na biso? Combien ekoti pona ba enseignant na biso? Combien ekoti pona ba infirmier? Combien ekoti pona ba garde malade? Combien ekoti pour n'avoir docteur. Na niveau ya libanda ba respecta président okomona na ba signe diplomatique. Un président qui confirme que na bengisi réunion na Goma. Équipe déjà ici est précédée. Yemoko pe alandi. batie tapis rouge na aéroport, ba président bazo koma. Na minute président azo linga se déplaça ke na aéroport po ya baba ninga na ye ba président. On vient informer le président que no ba président azo landa ba kei na bango na mboka mususu. Ba tinde liyo notification te, ya report ya kokutana, coup de téléphone te, excuse te, yo ozo ta prete, o longwa ki chasa oke na goma, tapis rouge, protocole prêt. Ba yebisyo ki batona bako yate. Wane zali respect? Ya une photo ki circule. Félix Aouti na Gaberon, na réunion ya SADC. Ba président ya SADC bakutana kikuna. Quatre présidents ya SADC bazala kikuna. Boyebi na coutume ya diplomatie, soki réunion ndengo ne salami ba photo ekanga makaka. Photo ba bengo photo de famille. Ba président nyonso ndenge bokutani, boyebo telemi ou bien bovandi ba kangi bino photo. Effectivement na SADC photo ana ekangami. Photo o ekangami. On a vu quatre présidents na photo wana na ba ministre. Quatre présidents na ba ministre. Trois présidents ba vandi na ba kiti. Trois présidents ba vandi na ba kiti. Ba ministre ba telemi. Président ya Congo a telemi na elongo na ba ministre. Et pourtant, liboso esika ba président ba tila ki bango ba kiti, ba koyiko ba kisa même trois kiti, ba to ba koyiko vanda. Ba espace ezali. Comment expliquer les trois présidents sont assis et le président congolais on lui met debout derrière avec le ministre? Na yoka ke Félix Aza diplomate ya solo. Diplomatie penza eza na IDPS. Hier j'ai discuté avec ami ennemi nanga Vidi Echimanga. So yibo ke ina Facebook nanga yibo komona discussion yanga ina Vidi Echimanga. Nga ina ye zalaka lokola Tom na Jérémie Yambalo to Kabwani. Je demande à Vidi Echimanga, écoute, tous à la série, monsieur. Na tindele photo wana. Banani bazali na protocole ya soi-disant président Nabino. Est-ce que oiza humiliation ti? Comment trois présidents assis ba pesi bango bakiti? Ye ba tie na sima debout na ba ministre. Écoutez un conseiller principal, soi-disant, d'un président de la République. Réponse na yenini. Félix, wane zali humilité, azali humble. Ah, je lui ai demandé, mais c'est-à-dire que, ba tchaki kiti pona Félix po avanda, tellement azali humble, aboyi ko vanda, ake ko telemanaye na ba ministre na sima. C'est ça? Donc, batu oyo bazali na lukuta moko. Donc, il y a une réponse à tout. Il y a une réponse à tout. Félix avanda kite parce que azali humble. Alors, ce qui avanda kite azali humble, il fallait tout le monde a kiti moko vide. O ba tchela kie, aboyiko vanda, alingi na yeko telema. Ou bien azala ki na hémorroïde, moya vande zate, il faut telema. Mais ce que vous avez na hémorroïde, donc il faut vendre tes faux téléma. Mais téléma permet na baninga na président, ok téléma na groupe ya ba ministre été. Et la photo ça prend combien de minutes, même si vous avez na hémorroïde, ça prend combien de minutes? La photo prend des secondes. Bon, makambo mususu yo yanga na vile tu manga, moyen na na épargner binon o ali ko yeba ya komona yango ali kana page nanga. Voilà, il a dit l'humilité précède la gloire. Merci beaucoup Jimmy Lucie là-haut. Merci beaucoup. C'est ça la phrase qu'il a dit. Donc yo landi yango conversation wana. Il a dit ça, l'humilité précède la gloire. Voilà, diplomatie. Wana humilité yango yango nezo précéder gloire. Si ko gloire ni nazu après. Mais du point de vue diplomatique, ezali humiliation. Na Gaberon nango place a kendaki azalaki déjà humilié na ndenge babandai koloba. Président ya Zambie, pardon ya Zimbabwe yebisaki ye. Alobi ba gouvernaka na na arrogance, te, je l'ai dit na vidéo eleki. Alors, ngana vidéo chimanga, donc allez-y na page na ya Facebook, boko mona qu'est-ce que to sololi na ye. Ba menter na ndinga osakate. Est-ce que juste anecdote moko. Vidéo chimanga me dit azali na ba entreprise mi balé. Ezali na Europe. Ba entreprise wana chaque année bénéfice nango 68 millions de dollars. Na toni bande ko vandi na Europe, na France, na Belgique, partout. Nani asala kana entreprise ya vidie chimanga. Alobi azana nango mi balé. Et il me propose ngai Naza la représentant na Yena Félix na Samsung na Corée. Alors je lui ai dit ah c'est que webinga malamute. Mukolo Samsung a uti okufa mais tuna mwana ya Samsung o azali président ya Samsung sikoyo. Na beta histoire Samsung apesa nga mbongo alandanga na télévision abenga mbongo yango yo mon frère histoire na yo ezalo kola histoire na nga na Japon. Ayebi sanga, histoire na yo, na landi yo na television. Histoire na yo, ezalo kola histoire na ngana famille, na ngana Japon. Donc, vireche manga lobi, ngana tika musala na zosala ya cuisine. Naza la representant na ye na Félix, na Samsung. Oye, ezako logate. En tout cas. Bato nyo so batondi na kabea kama wana limete 10e riba, shomero nyo so batondi kuna. Bazolo kwa misala. Donc, vide tu mangana Félix, ba moni moutou msusute, ya ko tcha représentant na bangona Samsung, ezalingay. Et d'ailleurs, même na Corée, ba milouvor baza combien? Oh, na yibisa kabino ki manque toujours bande konaye na Londres, ke yombi aza cuisinier. Asala kawapi. Asala kana usine na butu. Alala kana usine. Vidye chimanga luka ye, acha ye representant na ye na Samsung na Kore. Soki ya kokoka. Soki ya kokoka. Alors, voilà donc, je disais, rapport de force wana, ezali très important pour que pays ezala respecté. Mais na biso, rapport de force oyandenge nini. Au niveau ya ressources humaines, ezali pasi. Parce que moi batu oyo bazana moi bongo na mboka na biso ezala na kati ya pays ezala libanda ya pays moi batu oyo bazo sala exploit gouvernement Félix bazo sala ni bazo poursuivre bango ba beta maboko e pa Félix oboyi ko beta maboko ba détruire yo oboyi ko beta maboko ba détruire yo. Des gens, par exemple, comme de Patrick Mbeko. Des gens comme docteur Robert Nzonga na Canada. Tout le monde a un pays. Ce qui est citoyen à Bango, est à la coma nationalité, à Mboka wana zo nationalité. Ce qui est victime, il y a injustice, Mokoboye. Mboka na yeko telema. Ah oui. Mboka na ye a wuta d'origine ko telema. L'histoire de notre frère Robert na Canada, docteur Robert na Canada. Bosi boyoka Félix alobi yango. Bosi boyoki ezala conseiller moko Félix alobi yango. Pourquoi ba lobeli yango te? Parce que ndeko wana akitselaka Félix pantalon te. Nga mutu na lobi yango te, Félix yemo mutu aloba ke ba politisi ya Congo ba kitselaka bila pantalon. Et pourtant, ce sont des frères. Ngai ndeko wana nakutana na yete. J'ai un ami, Oazali Canadien. Asala kana affaires étrangères na bango, bon, développement, affaires étrangères na bango. Na solo na ye na tunye, ah, mais y'a un kagar là, docteur. Abi, ah, ngai moko. Le monsieur me dit, ngai moko, famille na ngai. Famille nangai élargie. Bazali ba malade ya docteur wana. Na tango azalaki na ville mususu avake na ville wana oyo ba yeko kosele makambo. C'était très bon docteur, un gars très intelligent. Congo silence. Congo silence. Ndeko wana prouvé intelligence na ye kaka na mboka na zala Canada. Ndeko wana prouvé intelligence na ye na Congo. Bana njili ba yebi, bana quartier 12 ba yebi. Na ye kotanga histoire na ye, semblera za mwana njili quartier 12, mais na tango na zaye na quartier 12 tokiwa ukutana na ye te. Mais je connais des amis oyo batanga na ye na Université de Kinshasa. Je connais ba patients na ye. Voilà. Congo, ko détruire ressources humaines, qu'on détruire. Mais si qu'on rapport de force, c'est qu'on y a des nini. Rapport de force, c'est qu'on y a des nini. Alors, tous les cas, na point ya militaire, na vidéo nanga oye landi, na lobaki. Je pense, des dernières vidéos, na lobaki. Ba militaire na biso bazali na koyimayima. Koyimayima ba militaire na biso bazana ngo ezali fondé, c'est vrai. Ba militaire na biso bazali négligé. Ba militaire na biso bato bazozwa mbongo na kintsweki ya muke muke. Ezali ba militaire luba. Ezali ba militaire munya mulenge ya Kabila. Ba militaire soki outa Équateur, Bandundu, Katanga, Bakongo, Oriental, salaire ikelevé. Ndenge moko na ba diplomate na biso na lobaki yango. Ba diplomate na biso salaire ezate, ba viva kana ba passeport ezate, mwaye ba vivre malamu ezate. Ba diplomate na biso na bandaku na bango bazo bimisa bango. Ba diplomate eza la bana na bango basi na bango mwaye basala misala ezate parce que statut na bango ezo permettre bango te kosala misala na bamboka bavandi. Mbongo ya salaire na Kinshasa ezo kendete. Mais hélas étonnant. Ba diplomate o bazali baluba bazo vivre très bien. Bazo tindi na bango mbongo na Kintsweki. Ngam na lobi yangote. Diplomate moko aza na Europe a benginga. Mwasi na yekuta bakisi eto zo sola mwasi na ya bakisi. Alobi na ngai, mutu ayeko yebisa biso na kadri ya ambassade place Tovani na mboka Tovandi. Mwana na biso abimakana mwana ya diplomate moko ya muluba. Mwana tunime, bino ndengi nini, biso nito zala bapiaka, me, chez vous, tout ça va. Abihe, batinda gambongo na Kintsweki. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères a une équipe moko na kati. Il y a secret. Bazwa kamwa mbongo, mwana etwaza wapi na mboka nini mboka boye batindi. Mwana etwaza wapi na mboka nini batindi par Western Union. Soki ozali diplomate ya Bandundu ba Congo Oriental, Équateur, Kivu, Katanga ou même na Kasai soki ozali lubate. Stratégie pour vivre beaucoup ta gêne de prière kaka. Bole ki sakaka banzala wana na ba gêne de prière. Soki batuni bino bokondi pona ni note ozana gêne de prière. Ce que je vous dis c'est vrai. Na ebisa ki bino ba ambassade 8. Ba ambassade te ba diplomate na ba ambassade 8 ba contacta kingai. Ba militaire na biso na lobaki bazali na koyima yima ezali vrai. Comment expliquer au tindi soda akende ko wapona ekolo salaire ezate. Kote atika famille na ye. Ndako ezate, famille na ye bavanda ke pa tata mwasi, e pa tata leki, e pa mama kolutu. Mwana soda so abeli, hôpital, deja mawa mingi, bo buka kaka makasa, ya lumba lumba, bo tokisa, eko soanye ye. Me yo muto vandi na biro na yo. Salaire na yo 2,070,000 dollars. Muninga na yo avandi na ferme na ye. Salaire na ye 680,000 dollars. Ba conseyo bazo tambula na botel ko lukaka ba ujana. Salaire na bango 24,000 dollars, 17,000 dollars. Ba luba o nyoso bazo kombo la présidence. Salaire na bango 6,000 dollars, 7,000 dollars. Mais vous envoyez soda na front. Ba nyoka epai. Ba nyamamabe epai. Ba ngungi epai. Nzala epai. Bana na bango na bandaku na bango na kote batika na bamboka na bango. Kolia ezate. Kolata ezate. Hôpital ezate. Klase ezate. Bozali ko senga na militaire kanga sentir wapo na ekolo. Ezali ko mon na basoda na biso lokola ba bolole. Et vidéo na biche leka ki je pense était avant-hier. Hier, je pense, vous avez vu commandant y armé. Azali ko lobela makambu yango grogne ezali na ba militaire na biso. Grogne ezali na ba militaire na biso. Grogne wana ezali fondé. Grogne wana ezali justifié. Grogne wana bazana raison ya kosala yango. Comment expliquer un président de la République touche 2,070,000 dollars américains par mois, son prédécesseur 680,000 par mois, les conseillers touchent 24,000 dollars par mois et les militaires touchent 50 dollars par mois. Et vous voulez que ce militaire meure pour vous. Wana ezali militaire ya bolole. Soda bakitsaka ye sokoto mbala mibale te. Oui, grogne ezali. Le commandant alobi akokanga bango. Basolola makambo wana te. Basolola te pourquoi? Parce que soda na tango azali koya sous drapeau. Atiki famille. Soda estoma na ye eza ya mabendete. Eza la ba robo. Robo soki courant eza te, robo eko bouge te. Robo soki énergie eza te, machine. Soki énergie eza te, machine eko bouge te. A fosiori moutou, un humain. Bozo senga na ye ya koma na estoma ya nzambe. Aliati, me abunda, po a protéger yo. Félix a sali si ba soi-disant consultation. Tolobaki déjà. Je vous ai dit ba consultation wana. Avant, jour, a sali ki discours na yele lendemain. Je l'ai dit. Après consultation, auto kosuka na dialogue. Consultation est sili. Toyoka ki avant-hier ba lobi. Sauf imprévu, akoloba, lobby, donc hier. Sauf imprévu, Félix akoloba, hier déjà il est qui? Pourquoi zolobate? Na minute oyo Félix azana dilemme moka kosakanate, il sait pas qu'est-ce qu'il va dire. Il a échoué de dégager la majorité parlementaire. stratégie na ye yangwana ezalaki yangwana. Vous avez vu les députés ya FCC, ya Kabila, 305 députés de Kabila, ba ye ko renouveler leur engagement à leur chef. Félix n'a pêché que Bitakwira. Et l'autre là, si c'est Bahati. Échec des consultations. Alors, pour maintenant cacher cet échec des consultations, qu'est-ce que Félix envisage? Il envisage un vrai faux coup d'État. Pour l'aider de ne pas parler, de ne pas décider. Parce qu'il a dit, après consultation, il va décider. Alors, ne sachant pas quoi dire, il provoque un vrai faux coup d'État. Pour dire que non, Mboka Ezali na urgence, le président a échappé à un coup d'État, alors le président ne va plus parler, ne va pas parler, pour s'occuper de ses problèmes sécuritaires. Voilà la stratégie à Félix. Et ils ont déjà commencé par Oyo, Bazo Benga, Bangomoko, le défenseur, ce qui a droit de l'homme. L'autre défenseur, là, il a droit de l'homme. Moi, je vous ai dit, à Genève, je voyais toujours son nom sur la liste. Et quand vous voyez liste Yabato Akendranabangon à Genève, c'est le gars-là qui a porté notre frère Patrick Mbeko au Canada plainte. Ce qui a créé à Genève, dans la réunion, il y a ONU sur le droit de l'homme. Na liste naye, il y a toujours Bandeko naye. Au commun, il y a Chilumba, Mutombo, Ntumba, Kabengele, Muzinga, Kazadi. Il y a un autre, ce que tali combo na ye balobi grâce Twinza. Grâce Twinza est doux, dit Kassai. Même si combo na ezali ya loubate, mais ça doit être un tété là, loubalisé. Au moins, il y a un quartier, beaucoup vanda boye, bana ba tobandundu, bana ba louba, bana ba bangala, bana boye, bana ba sangana bandako, bake kuna ba tali baninga, bake kuna ba le, voilà. C'est-à-dire que cette Twinza là, manger le milou, chez nos frères Louba. Voilà, il s'arrange avec son ami qui est soi-disant journaliste. Il tweet pour dire non, voilà, na moment Oyo, Azares Ruberwa et Ozare, et Nehemi Wilonja et Ozare. Parce que, Baringa y kosa la coup d'état, Baboma Félix Tshisekedi. Il s'arrange avec son ami journaliste. Bon, ça la tweet. Après, moi, je vais t'appeler. Non. Tozan a besoin, il y a décision, il y a consultation. Vous avez consulté tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre qu'est-ce que nos enfants Chege, nos enfants Oudjan a-t-on dit. Proposition à Bango et Zalinini, solution à Bango et Zalinini. Les restes, ça ne m'intéresse pas. Nalingi na ye baba uja na ba yebisa kiyo nini, ba shege ba yebisa kiyo nini. Kadiosha toujours, kadiosha. Mais, Azares ou Ruberwa, Azali Munyamurenge. Munyamurenge o yo zo kote la. Lobi Munyamurenge Azali Kongore. Munyamurenge Azali Kongore. Ezali entre bino. Dil o yo kufate. Bo moni nga ina vidye chimanga. Ndeke ni dile kufaka. To sololi bande komu susu. Oyo balandi li solo wana, basengi bo, yo pena vili de tumanga, vous parlez trop bino, to moni ke boza ba camarade. Alors, bo ya na débat télévisé. Y a deux amis, un ami d'abord qui a proposé natango ba mimsu ba moni poste wana deux amis o bazana ba chaîne na bango ba bon ça va tobenga deux journalistes moko pro résistance moko pro Félix ba luka plateau moko de télévision de ba yo na Vidi et Chimanga et j'ai proposé à mon frère ennemi Vidi et Chimanga je lui dis bon voilà on nous propose un débat olobinini moi je préfère que tu viennes avec moi tu expliquer ba congolais qu'est-ce qui se passe na mboka na biso parce que vous soutenez votre président vous dites que azali sur le banc azo sala makambo malamu moi je dis azo sala makambo malamu te azali idiot. Alors, est-ce qu'il y a moyen qu'on vienne sur un plateau, qu'on explique aux Congolais? Vidi à lobby cherche moutou, il y a niveau na yo, nga naza niveau na yo te. Ah, papa. Kasi yaka kasi na télévision ango, hein? Comme ça, to solo la makambu ya mboka, pour que ba Congolais ou ba Rolanda biso, ba yeba nani azali na niveau ya mouninga te. Parce que makama niveau ou ezali entre ngai na yo na inbox. Eza loko la moi na butu. Bako sanganaka jamais. Alors, tobi malibanda na plateau d'une télévision, to solo la yango comme ça. Congolais azali idioté. Congolais ko jige, ngai na yo, nani azali na niveau a moningate. Likamba deba wane memeli ngangamo, libala yangana na Vidi et Chimanga kufi. Donc dit le katani penza na bi voilà ndenge dit les ekufa dit ba kataka ngo boyende ezalaka oyo ya Félix na Kabila ah Kabila ko beta nga mikolonos Kabila ko ampesha kanga na tambula te na bimate na simba telephone te na liate na latate bon lokola zone yoko la yo ozo liate ozo latate ozo bimate azo ampesha yo bon mali bala kasi oh te na ko mama le bala te ngana vandi wana pona bana te bana bakokola bien au contraire bino na katanda ko bozo swanaka bozo bundaka azo beta yo bino bokanzi bozo aider bana wana vous détruisez ses enfants psychologiquement vous détruisez vos enfants mieux vaut boka bwana bana soki bazali bana mike bake pa mama na bango yo devoir na yo responsabilité na yo tinda mbongo pona éducation pona kolia bana bana wana boko épargner bango na stress ya ko bundaka bana mike ba telemi boye ba mona papa na mama mitakala makofi la meilleure de façon d'aider ses enfants ezali boka bwana oh non pona bana soko yoki pona bana lukuta alinginde mobali na ye ezama kambo pona bana te ezama kambo pona bana te bozo bundaka mikronoso makofi mobali alinginga ite mobali alingite na bima mobali alingite na salaboye mobali alingite na salaboye lobi na tongo zemi soko zemi yango ekotaka na tango bozo bunda makofi wana bozo bunda zemi ekoti ou bien zemi ezokota eni parce que boyoka na kate yo soki obimi libanda ba rapport mobali alinginga te mobali azo futa ngate mobali apesa kanga mbongo te mobali alatsa kanga te mobali afuta ka mbongo anda kote mbongo akolia apesa kate nyonso apesa kate ko betra nga mikolonyoso siko consultation ya kozwa zemi e yaka na momani parce que tout le monde ba voisin bazo mona bino mikolonyoso makofi. Alors, à quel moment consultation est salamaka entre Binopo Bazé Miekot, Bana 5, Bana 6, Bana 7, Bana 10? Tozana besoin à coup d'état. Tozana besoin oyakolo ba consultation. Balobi nini. Ozui décision nini. O nyoso ba coup d'état o boye échappatoire o sauf imprévu Félix azala ka nini imprévu ni nazalango Félix azala réseau social ko landaka biso et les amis o bazala nga na Facebook vous avez vu ce que je vous dis souvent oh non batolokola ba conseiller à Félix, ba conseiller à président, ba sana tant qu'Olanda y a un professeur y a réseaux sociaux. Ah, professeur y a réseaux sociaux. Mais la science aujourd'hui, ils ont encore les réseaux sociaux. Les recherches dans les réseaux sociaux, les cours dans les réseaux sociaux. Botang la combat université ou bazotang sa physiquement, tout se passe dans les réseaux sociaux. Alors, professeur des réseaux sociaux. Mais les amis ont vu. Vidye chimanga na page nanga. Tellement, ba commentaire le ki un ami qui s'appelle DiCaprio, je parle DiCaprio comme ça. A commis à l'obi vidi oyo azali mouyibi aventurier comme ça na yibiye bla bla bla bla ah vidi chimanga kota azali ki lokola babwa ke liye gaz abimi aye ko sala commentaire na ye mais bino bolobi bolanda ka bisote inbox d'abord aye bisinga ozali professeur à réseaux sociaux nga na kota na réseaux sociaux te mais toza na ye na réseaux sociaux tozo swala na réseaux sociaux alobi oza professeur à réseaux sociaux na landa réseaux sociaux te mais nga na yo tozo swana wapi na réseaux sociaux te. Oye ko sala nini? Oye ko sala nini na réseaux sociaux? Alongwe inbox aye na page nangaye. Commentaire ko attaquer ba camarade nanga o bazo sala ba commentaire sur ye. Mbino bolanda ka bisote lokota. Na moma oyo nde na zolo baboye bazali, Félix est là. Félix est là. Alors, sauf imprévu au sala msala nini. Atika mouke réseaux sociaux, aya koupe sa résultat à consultation. Parce que l'argent est sorti pour la consultation. Ana. Bambongo ba pesi, Bemba a touché 250 000 $. Katumbi a touché 250 000 $. Mbongo an ezali ya nani? Mbongo an ezali ya ngai ya yo. Ba bimisi mbongo pour la consultation. Alors il faut koupe sa biso résultat à consultation. Parce que mon argent est engagé dans la consultation. Ana. Mbongo na yo ezali engagé dans la consultation. Ana. Il faut m'appeler ça biso rapport nango. Na présidence bazo c'est que Jean-Pierre Bemba na Katumbi. Un conseiller me l'a dit. Abime batu na bino bolanda na diaspora. Oh non, leader, chairman. Tala aouti ko zo enveloppe awa ya $250 000. Votre Katumbi, oh riche. Katumbi azali riche, Katumbi bambonga mike za yete. Katumbi abimina. Il s'est même précipité linga kwen abeta ki libako. Il s'est précipité à Bimimba, on a $250 000 Kenango. Mais riche a aussi Mambongo Nate. Riche a l'obo, bon, $250 000 ou Ezabilo Kamike Mike Ponangai, donner ça na ba. Hein? Parce que entre Bango, Baninga na ye ba collègue, ou ba yaki, bazaï consulté. Donner ça na ba chege ou bien bande banabiso ba oujana, ba kotika, ko sala moussala ma be bazo sala. Banabiso ba oujana moussala bazo sala wana, Eza volonté na bangote. Eza volonté na bangote. Alors, oh riche andenge nini, millionnaire andenge nini, yazo ke landela même ba $250 000. Biso wa toko landela mbongo wana, même 100 francs ekwei, nako landango ti, nako zwa yango. Alors, babimi, bangomi bale, babimi na $250 000. Oyo, mususu oyo ki, bitakwira, $100 000. Mais, au finish, majorité parlementaire Ike levé. Moi, Momoko, ça fait une heure, Bandato Bandi. Moi, Momoko, pour tout ça, il y a arrestation, il y a Barnabé, si c'est Barnabé, Mouniamourenge, il semble à Zam Mouniamourenge. Bansousou Balovi, Azali Rega. Congolais vérité zalakate. Depuis na salaki live sur ces gars là, j'ai au moins reçu plus de 20 messages inbox yabana Kivu. Ba msusu balobi azali murega, azali congolais. Ba msusu bazali azali munyamulenge. Ba msusu balobi azali munyamulenge rwandais. Ba msusu balobi azali mushi. Ba msusu balobi mais au juste on dit melanani. Bino pe bandeko na biso a S, bo pesa ka biso pe ba information ya lamte. Vous savez très bien que parti na biso wana, parti mingi ba probleme yaka. Alors, bino batu boza originaire akuna, soki oyebi mutu, loba, soki oyebi ete, vanda kalme. Vanda kalme. plus de 20 messages. Azali Rega, Azali Mushi, Azali Munyamurenge. Azali Munyamurenge te autaki directement na Rwanda, autaki Burundi. Musa lobe aza Burundi. Naza mutu est, papa yombi, naza mutu est. Oh, nazo peso information a solo na kola na mutu na Barnabé wana. Azali Rega. Musu sono, prof, natanga na Barnabé wana. Azali Munyamurenge. Mususu no, nga na Burundi, tozala na ye ba refugie na Burundi. Azali Burundi. Kongole. Atuka. Tolo ba, par exemple, toke na logique. Je sais que, bande konabiso, ba milouvor, makambe matakabango mafuta yangoyo. Eza la biso na résistance, mutu mogo te ali inkabila za la wana. Tolingi soit Kabila kima, soit ba ligoteye, ba ye la biso ye, tozong sa ye na Rwanda. Ndenge guru na biso alobaka. Ye moko nde siko mutu ba ligote, ye moko mutu Kabila ligote, alandi ye na Belgique, a ligote ye, a bakisi ye na formol, na bisika bikauka. Ye moko. Na politique ya mabe ya lokuta ya trahison. Alors, mutu moko te biso nyonso eza la bino ba milouvor, eza la biso, biso nyonso lingi Kabila, akangama oubie akima oubie na bisika bikauki, to lesa ye frui. Nani alingi te, atombo la mousapi. Azate! Alors, moi je vous propose, je vous ai déjà proposé ça, c'est une bonne solution. Je vous assure que ce qui bondi mi solution oyo. Oh non prof, yo lobaka ko critiquer, oyaka na solution mon côté. Solution yango na yenango. Solution ezali boye. Kabila na kingakati ba militaire 2500. Ba armi ya makasi. Ba avion de guerre ko ne pa na ye. Avion présidentiel a kanga. Bambongo epanaye. Solution ko benga na Kabila ezali nini? Je pense que ngai na bino ba militaire ba milouvor bino na biso bino ba milouvor na biso ba to résistance et sika o ifoto yokana parce que biso nyonso et sika tozali na point commun ezali ke Kabila to mona ye soute na mboka na biso. Solution yango. Oh yaka na solution te. Suivez-moi. To récupérer likambo ya ndeko oyo Barnabé ayena ngo. Ndeko na lobi ndeko africain parce que na yebite azamu ta wapi ayena solution malamu alobi coalition ikelevé cohabitation ikelevé wana kabundu mutalobaki alors soi coalition ezate cohabitation ezate donc Félix il faut démissionner biso to bité Félix a ko démissionner to Félix il faut azalaka président. Mais, solution yango. Ye a lobi ce qui cohabitation exacte, coalition exacte, il va manger les fruits. Tozwa ide wana, ya fruits wana. Eza ide malamu. Alors, to Melissa Félix fruits wana. Bokanisi bandeko, botala scénario oyo. Le loka kande ito vandibo e na kishasa bazali ce qui er nini. Je pense bazali 15h ou bien 16h. Soki kaka boyo ki oh non Félix ba lesie li kalankonki. Batu ba vérifier ya solo azali na ngaliema ale li kalankonki. Mes chers amis, bino mokanisi ki Kabila kovanda na Congo wana. Mokanisi Kabila kovanda na Congo wana. Ah, wana vraiment mukolongonga na midiembiki. Soki kaka baulesi kaka Félix likala konki. Fruit wana likala konki. Kabila tula mwizi ya zaza. Rubero tula mwizi ya zaza. Ba oyo nyoso tula mwizi ya zaza. Oh, mais je vous assure que esika wana et vous allez sur le camba, oui, ou à terre. Ekoza la likambo ya batu nyonso. Pona nini bolesi mwana mboka likala konki. Kabila kokende. Alors, ton mekasiko to peze. Importance. Est-ce que soit to perdre ce qui Félix allait likala konki? To ko perdre nini pona Congo? Ce qui Kabila kimi? To ko perdre nini pona Congo? To peze biloko wana nyonso mibale. Faire manger les fruits à Félix et Kabila tout la mouise ya Zaza. To peze ni neza important pour na Congo. Ah, bon moni sika bovandi. Bon moni makanisi yango. Oh, a propos akate. Kabila ce qui tout la mouise ya Zaza na mboka na biso ko mona même na est wana guerre ko sila. Parce que biloko wana mike mike ko boma bande ko na biso. C'est Kabila qui organise ça na bande ko na ye ba Rwandais. Alors, na côté maintenant, qu'est-ce que nous allons perdre? Qu'est-ce que le Congo va perdre? Ce qui Félix allait les Karakonki? Rien du tout. C'est juste un citoyen, oyo. Donc on regrette mes condoléances et puis ma condoléance na biso, na famille na ye. C'est bien que ne rejoindre papa na ye. Mais en tout cas, na terme ya évaluation que non to perdre un éminent. On a to perdre un éminent politicien, to perdre un éminent professeur, to perdre un éminent sportif, to perdre un éminent ezanangoti. Peut-être to perdre un éminent Madia. To perdre un éminent Madia. À part ça, rien du tout. Corruption est diminuée. 2 570 000 dollars par mois et aucun des sous-souté. 2 millions de dollars dans la maison civile et aucun des sous-souté. Ba conseil union se bâton dit ce qui 700. Ce qu'on multiplie en gros par 17 000, 24 000, 7 000, 5 000 et aucun des sous-souté. Voyez-vous combien de dollars le pays va sauver? Voyez-vous combien de dollars le pays va sauver? Et on va perdre aucun éminent citoyen. Non. Vidye Chimangaso Akimibye, ye likalakon kite. Vidye Bakole, ça y est, tondolo. Qu'est-ce qu'on va perdre? Un criminel de moins. Un chekoulère de moins. Oh, yo moussou sa outa ki soyi Canada nani, topin, soki topin. Qu'est-ce qu'on va perdre? Un chekoulère de moins. Mais Kabila, ce qui a zaté, combien na terme ya mbongo toko sauvé, na terme ya ba vis humaine toko sauvé, na terme ya sécurité toko tia, et na terme ya paix toko tia na Congo. Oyo andimi ide wana ta tombola musapi. Na répété. Entre Félix Alia Mbuma, Bambuma Nyo Sote ya Mangate, li Kalakonki. Na Kabila tout la mouizi ya Zaza. Kongwa ko gagne. Po lelo oyo ndenge na wuti koloba, je répète. Na minute oyo ndenge to vandi boye ezala biso tozali na diaspora ezala bino batu bozali na Congo soki boyoki radio top batu radio top Congo kutu bakozala tout la mwizi Christian Dusakweno tout la mwizi na ba Congo boyoki kaka na ba RFI oh non break news. Président ya Congo ba uti ko lesa ye likalakonki. Bozoma na position ya ba wewa. Bozoma na position ya kabe ya kamwanga. Direction wapi. Kabila ko yoka zo yoka. Ono ba lesi Félix likalakonki. bande ko bampangi na munu. Kabila tula mwizi ya zaza. Kabila kovanda na mboka wanate. Soki boche tembe to meka. Vraiment, na ebite bato mboka na biso soki balinga nini. Vous voulez une solution. On vous propose. Et ce que je vous propose en termes d'évaluation, soki bo évaluer ango. Franchement, soki ozali Congolais ni Congo, okosalela yango. Kabila vandi a yoki non à moment oyo ba memi dirigeance, hélicoptère outi na palais des nations, soki palais des nations soki azalaka wapi. Bake okitisa ye na ngaliema. Nini? Ono a outi ko lia likala konki. Croyez-vous que Kabila na kingakati wana vraiment avandi? Wana vraiment na midiembiki. Kabila kokima. Tula mwizi. Rubero wakovanda wana te tula mwizi. Nyarugabo wakovanda wana te tula mwizi. To sauve Kongote? Nani alingite Kabila kende? Nani alingite? Eza la ba wei, oyu ba kufa, ba kosa biso, boye la nga ye ligote, na kozongse na Rwanda. Olie ba ligote ye, ba yana ye, po bozongse na Rwanda. Yako mikimi la deza ye moko na musika, mizongi si deza na Rwanda na musika. Po ba lesi, mwana ya radical likala konki. Alors, soki Félix ale likala konki, wala na terme evaluation, qu'est-ce que nous allons perdre? Rien du tout. Rien du tout. Bien au contraire, je répète pour la bande de oyo ba koti sikoyo. Ce qui Félix allait li kalankonki, mbongo a trésor public et ozala sauvé. 2 millions 70 000 par mois sauvé. Mbongo ba voyage na ye 2 millions chaque voyage sauvé. Mbongo ya maison civile 2 millions par an sauvé. Salaire à ba conseiller na ye 700 conseiller oyo bazwa ka 24 000 17 000 5 000 7 000 sauvé mbongo ba pesa ka Kabila aute ko zwa lobby 680 000 dollars sauvé mbongo yanda ko Kabila 20 000 dollars sauvé mbongo ba militaire na ye ko lesa ba militaire na ye 2500 militaires sauvé mbongo na biso na réserve monétaire na biso mbongo ko mata. Toko perdre un citoyen congolais, c'est vrai. Le kola ba citoyen congolais o bazali kokufa na est na biso. Ba condoléances e koya na ba beau-frère na biso. Mais toko perdre un éminent mututé. Oh non, toza ko présenter, toza na ba regret, to perdre un éminent politicien. Nana za éminent politicien. Félix? Non. To perdre un éminent professeur. Aza éminent professeur? Non. To perdre un éminent juriste. Aza éminent juriste? Non. To perdre un éminent sportif. Aza éminent sportif? Non. Toko perdre un éminent madia madia. Et ça, le logo te? Biloko o abaneko lia peut-être ba chege ba oliango. On va perdre un éminent madia madia. So ki to perdre topin, on va perdre qui? On va perdre un chekulaire de moins. To perdre Vidé Chimanga, un chekulaire de moins. Un escroc de moins. Ba o nyon so basale ekonomi ba yebi. Maximisation. Ya profit. Wana zali maximisation ya mbongo na biso ya profit na biso na mboka. Pe kokota te Kabila kozala susu wana te. Nyamurugabo akozala wana te. Bugera akozala wana te. Bizima akozala wana te. Rubero akozala wana te. Est-ce que ezali proposition ya mabe? Jamule Chamala. Bon, voilà. Boyo ka déjà combo. Jamule Chamala. Est-ce que vraiment, boyo déjà combo? Et naïb sa kabino ke batu nyo so baya ko finga biso. Soki Chamala yete na moi. Kazadi ya koya. Soki kazadi te, ntumba koya. Soki ntumba te, nyemba koya. Soki nyemo te, mujinga koya. Soki mujinga te, bilomba koya. Soki bilomba te, voilà. Owana na zomo na kuna, Chamala. En tout cas, voilà. solution yango yo oyaka na ba solution te. Dites-moi en quoi solution oyo na pesa mabe. Parce que na terme de la nation, il faut voir l'intérêt général. Ce qui toke na intérêt personnel, ah oui, intérêt personnel, bon famille oyo ba ko perdre crime nani escroc ou a pesi bango chance et loko pamba. Mais en termes national, d'intérêt national, le Congo ne va pas perdre, le Congo va gagner la paix, le Congo va gagner l'argent, le Congo va gagner la sécurité. Voilà. Ba oyo ba sala relation internationale, ba oyo ba zali pro-réalisme. Ba yebi de quoi je parle. Intérêt national mouté kontaka. Pour gouverner un pays, être opposant, intérêt général y a pays. Solution nangaï va dans le sens, y a intérêt général y a mboka na biso. Alors, ma militaire na biso, bino ba bokena na bazamba mingi, pour er bosala entraînement, bosala entraînement na bazamba, bino ba toyebi kote bazamba, bambuma, banzete ya makarakon ki ezalaka. Ah, makarakon ki ezalaka mingi na esobe. Chez nous, on a essobé bandit à Makarakonki. Alors, bien avant que côté Makarakonki, ils allaient non militaire. Ce qui est bolingi kolia, malamo, bolingi ba na bino ba kende classe, boza na bandaku, boza la respecter. Makambako souffrir, makasi ezate. Li kalakonki kaka koto ke na zamba. Omoni yango sito oye koma jaune wana. Buka kaka mi balé, mokote mi balé. Alors, tondolo nanzela kotikate, yaka nango. Bwaka. Kabila tula mwisi. Alors, vous comprenez? Merci beaucoup. Tolekisi R, tolobaki mikolo, to banabumi na mingite. Tout ça, les 1h18 minutes, 19 minutes déjà. Merci Mingi pour la Rolanda Bisso. Merci Mingi pour la Okabula. Botin de la vidéo, oyo bande kona Bisso, oyo ba kota karabazamba, oyo ba ebi, bisika makalakon ki ezali. On a besoin de la paix. On n'a pas besoin de garder un madiamadia chez nous. Non, on a besoin de la paix. Alors, un madiamadia de moins, ça ne nous dérange pas. Tellement, ce que tu as dit, intérêt national, intérêt général. Naza partisan, il y a intérêt personnel, familial, naza partisan, il y a intérêt général. Allez. Merci beaucoup. Nalakisi Sanza, ou à côté la Moussapidanga, c'est son problème. Nalakisi Sanza. Sanza nalakisi. Ou à côté la Moussapidanga, c'est son problème. Classe P comme Ophélie, semble-t-il. Classe en OP, matata. Ou puis gratuité. Kuna bazo yen ba gratuité. Mais, batu bazo kene classe ba bi gratuité ezati. Ah. Mais mboko yoza dirigé par maçon, jibou yen dingeni vraiment. Likambo yango ezo mona na bango bazo wangana. Ba humilié président na bango na Gaberon, ba telemisiye. Na katia ilongwa ba ministre. Ba président ba pesi bango ba kiti. Ye kiti ezati, ba telemisiye na simana ba ministre. Oh non, aza humble. Bandeko oyo ezali na yebite ezaka na mai moko na kabeya ka mwanga kuna bakenda kosukula lokola mai ya nkamba na bango basukula nkamba bakenda kosukula ngopo milimo mabe kima elongwa me ezaka mai na kabeya ka mwanga basukulaka po bazana lokuta moko okondima jamais. Voilà tout ceci si, wana merci beaucoup, partagez la vidéo. Botine la bandeko bakenda ko zamba babuka ba makarakonki e likarakonki wana ezaka bandeko na biso ba militaire te batu bakenda zamba bino pe ba mama bokenda ko buka Kongo bolo na zamba kone buka pondu na zamba so moni mbuma likarakonki eh zwa chana kitunga er moko mema zo president azoleka pesa president likarakonki alia tondolo pe kotika te so likarakonki ezate promesse ate madame pe bo buka promesse ate président azoleka pesa oko sauver mboka na biso. Président soit allé likala konki kozala bien. Oko sauver mboka lelo bato ebele o babenga ka ba héros national. Bazali. Oze la te ono, batu ba kende, ba polisye ba luka makala konki, ba polisye ba banga ba sende. Politisye aza fier to, ba banga ba sende, au kota la zamba te. Alo, biso ba bolo to kota la zamba, so mwoni li kala konki buka, omoni tondolo buka, omoni, omoni madame buka, omoni manga te, manga eza pete. Paske so ki manga le ango pete diare, biente. Alo, bo buka bambuka bambuma nyonso o koma hero national o muto akabela ki president mbuma frui yeyo kanisa famille na yo ndenge kozala hero lokola ba famille ya Lumumba hero famille mubimba po kabela ki president mbuma frui merci au revoir.